Selon le journal internet sud-coréen Le Quotidien National, quatre formations sud-coréennes, notamment le Parti pour le rétablissement du bien-être, ont organisé le 12 courant à Séoul un meeting pour exiger vertement des États-Unis et des autorités sud-coréennes l'arrêt des exercices de guerre d'agression contre le Nord et la conclusion de l'accord de paix.